Aussi, cette sourate comporte le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et la résurrection et la rétribution des serviteurs avec leurs œuvres bonnes et mauvaises. Dans sourate al-Fatiha, il y a aussi ce grand fondement de la religion. L'affirmation du retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et de la résurrection après la mort, et que tous les serviteurs seront rétribués, chacun selon ses œuvres, bonnes et mauvaises, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il sera l'unique juge ce jour-là. C'est lui le seul qui va juger entre les créatures, et son jugement est un jugement équitable. Tout ça est comporté dans la parole d'Allah, « Maliki yawmiddin » ou « Maliki yawmiddin » souverain du jour de la rétribution, ou roi du jour de la rétribution. Et quand on dit « Ihdina s-sirat al-mustaqim »« Ihdina s-sirat al-mustaqim » guide-nous sur la voie droite. La guidée est de deux catégories. La guidée de l'indication et de l'éclaircissement, tu montres la vérité, ce qu'on appelle la guidée scientifique, la guidée de la science, c'est-à-dire t'enseignes la vérité et tu la montres et tu l'indiques. Et la deuxième catégorie, c'est la guidée de l'assistance et du soutien et de l'inspiration, qu'on appelle aussi la guidée de la mise en pratique, et qu'on appelle aussi la guidée des cœurs. La première, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, à ses prophètes et messagers, et également à leurs héritiers, parmi les savants et les hommes de science. Contrairement à la deuxième catégorie de la guidée, hidayatut tawfiq wal ilham, celle-là, elle appartient à Allah seul. Allah seul est capable de guider le cœur. Allah seul est capable de te permettre de mettre en pratique ce que tu as appris. C'est pour ça, tu trouves que tu peux apprendre une chose et n'arriver à la mettre en pratique que des années plus tard. Ou ne jamais pouvoir la mettre en pratique, malgré que tu es convaincu que c'est une vérité. Et de là, nous saurons tous la nécessité du serviteur à invoquer Allah avec cette invocation. C'est une nécessité. C'est même la plus grande des nécessités pour le serviteur, c'est d'invoquer son Seigneur avec cette invocation. « Ihdina s-sirat al-mustaqim »